Salut à vous. Vous qui ne nous connaissez pas encore, sachez dès à présent combien nous sommes redoutables, unis et déterminés. Depuis des siècles et des airs et des heures entières à nous rapprocher du soleil, de sa chaleur et de sa lumière, nous avons éliminé à tout jamais, banni de notre univers, les plantes artificielles que la civilisation a vomies de sous la terre, douce parure, dorée, soyeuse, recouverte de nos cendres et de notre sang. Plantes en dessous la terre fertile, nous vous les avons soigneusement saccagées, les derniers survivants attendent leur tour. Apprêtés, nullement plus inquiets mais paniqués pour de bon, au plus profond de leurs âmes, vous nous avez voulu enterrer, fluctuant pour l'éternité dans la froideur et l'immobilité de vos prisons d'acier. Mais vous n'aviez pas senti au-delà de vos regards finis et du bleu profond du ciel, l'imminence du jaillissement suprême. Le jaillissement de la nouvelle conquête. Un nouvel univers, contenant les appels de tous les cœurs purs en son sein. Multitude infinie de toutes les merveilles que vous pourrez posséder chaque jour. Un nouvel univers, après tous les longs chemins d'étoiles qui ont brillé pour nous. Dans l'obscurité, déçus, des cieux, passés. Allez, vous qui ne nous connaissez pas encore, venez. Tenez-vous prêts, extrêmement tendus et concentrés. Venez. Vous dont les âmes ulcérées par le bonheur se sont réfugiées en ces lieux sacrés, imaginés par nos prophètes. Vous qui pensez que nous sommes chacun Dieu et déesse. Vous qui croyez en nous. Vous qui croyez en vous. Prosternez-vous devant tant de beauté. Sachez qui vous êtes, soyez ce que vous êtes. Sachez qui vous aimez. Sachez qui vous aimez, aimez ce que vous aimez. Aimez les belles femmes, lisez toutes les bibles et riez de toutes les fables. Endeuillez, ne mourrez pas à votre tour. Vous qui ne nous connaissez pas encore, faites un effort. Venez, ne vous faites pas attendre. Participez à la nouvelle conquête. Rejoignez les nouveaux colons. Join the new colons. Join the new colons. Join the new colons. Rejoin the new colons. Rejoin the new colons. Come along. Get ready. There. Join the new colors.